La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, lundi, dernière semaine de la saison avant la grille d'été. Nous parlons jusqu'à jeudi de correspondances amoureuses dans une émission de Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Laurent Travagli-Chanal et Alexandre Dang. C'est donc bien de manque et de désir dont nous allons nous occuper cette semaine. Car la correspondance amoureuse, c'est beaucoup cela. Ce dialogue avec l'absente ou avec l'absent, l'autre que l'on fantasme d'autant plus qu'il est loin, à qui l'on se confie d'autant mieux qu'il n'est pas là et dont l'épistolier imagine d'autant plus librement les réactions qu'elles se feront de loin, bien à distance de sa vue. De cette conversation des absents, nous parlerons jeudi de manière générale avec Yvan Leclerc qui a établi pour Le Monde et les éditions Garnier une anthologie de ce genre en première partie d'une émission que nous poursuivrons avec la correspondance amoureuse de Chateaubriand. Mercredi, il sera question des lettres envoyées par Nabokov à son amour de toujours, sa femme Vera. Enfin, demain, nous évoquerons les lettres envoyées par Apollinaire à cette jeune fille qu'il aima un temps et avec qui il faillit se marier, Madeleine Pagès. Et aujourd'hui ? Je ne pense qu'à toi, je bosse plus, je fous rien. Mon amour, tu dormais si bien que j'ai pas osé te réveiller. Je travaille jusqu'à 7h20, si tu veux après on peut s'appeler. Je sais pas ce que tu fais ce soir, moi j'ai rien de prévu. Si t'as du travail, je te dis à plus tard et j'embrasse ton cul. Je suis à toi, je te veux, je pense à toi. Aujourd'hui, pour évoquer la correspondance amoureuse entre Maria Cazares et Albert Camus, que France Culture vous proposera d'ailleurs d'entendre le 13 juillet prochain à 20h dans une lecture par Isabelle Adjani et Lambert Wilson. Eh bien, nous serons en seconde partie de cette émission avec la philosophe spécialiste de Camus, Françoise Kelce-Drapeau, qui se demandera si cet amour était ou non démesuré. Et puis en première partie, je reçois l'éditeur et archiviste chez Gallimard, Alban Cerisier. Gallimard, où cette correspondance a été publiée il y a quelques mois. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Tu rentres tard, sans doute, après le dernier métro. Tu vas pouvoir enfin te faire une soirée tranquille. Je t'ai apostrophe et là, il y a un cœur dessiné au stylo bille. Je suis enceinte. Amoureuse et sereine ? Absolument possible. Mais il faut trouver quelqu'un avec qui on puisse être serein. Il faut trouver un couple. Enfin, être vraiment un vrai couple et non pas... Et puis peut-être qu'il faut dépasser le moment... passionnel, de passion, et arriver à ce que j'appelle moi l'amour. Vous pouvez dire j'ai été sereine aux côtés de Camus, par exemple. Oui. Est-ce que tu peux m'appeler ? Je n'ai pas été aussi, mais enfin j'ai atteint une sérénité très souvent. Mon amour ne m'attend pas ce soir. J'ai pas mal de boulot et je risque de rentrer tard. Je crois qu'il doit rester une demi-pizza quelque part, mais vérifie la date sur la boîte. N'oublie pas qu'on dîne chez ma sœur. Si à l'instant, Maria Cazares, interrogée par Daniel Chic en 1995, c'était un an avant sa mort. Bonjour Alban Cerisier. Bonjour. Alors après avoir parlé avec vous il y a quelques semaines du Petit Prince, nous allons donc aborder aujourd'hui cette question du tumulte de l'amour. Tumulte de l'amour, ce sont les mots qu'employait Albert Camus dans une lettre qu'il adressait à Maria Cazares, dont elle disait, on l'a entendu à l'instant dans cette archive d'ouverture, que cet amour-là avait été aussi un amour serein. Alors quelle est l'impression majeure qui reste pour vous à la lecture de cette correspondance? Est-ce que c'est une impression de sérénité ou plutôt de tumulte, Alban Cerisier? Je dirais quand même de sérénité. Évidemment, le propre de cette correspondance, et souvent le cas des correspondances amoureuses, comme vous l'avez évoqué, c'est qu'elle se vit beaucoup dans la séparation. Et que, évidemment, et dans des séparations longues, en plus, qui est liée en fait aux circonstances de vie, de l'un comme de l'autre. Camus soignant sa maladie dans des cures infinies, écrivant L'homme révolté et d'autres textes, La chute, etc. Et puis Maria Cazares qui très vite va être prise par des tournées, notamment dans le cadre de ses activités pour la Comédie française et puis après le TNP. Mmh. Et forcément, ça crée beaucoup de manque. Et il y a chez l'un et l'autre quand même quelque chose qui relève d'une recherche de perfection, appelons-la la sérénité, mais de perfection, et aussi l'idée qu'un amour ne se vit bien que lorsqu'il s'éprouve. Alors lorsqu'il s'éprouve par les faits, dans la vie courante, hein, dans la séparation donc, mais aussi lorsqu'il s'éprouve dans les mots. Ce qui explique d'ailleurs à certains égards le volume l'ampleur de cette correspondance. 1300 pages tout de même. Ouais, 1300 pages tout de même, mais 1300 pages parce qu'il le faut à certains égards. C'est-à-dire que cet amour-là doit se vivre quotidiennement, on doit se dire et on doit se le raconter, on doit se l'expliquer. Ça reste comme une immense certitude et en même temps, comme toujours, comme toute certitude chez Camus, comme une certitude qui se conquiert, quoi, qui n'efface pas la lutte. Donc la douleur est nécessaire, alors. La douleur est nécessaire, notamment pour éprouver le cœur, le foyer des sentiments. On ne ressent le cœur que lorsqu'on l'éprouve. La douleur et le bonheur cohabitent, comme dans cette phrase. « Il m'est venu de toi », c'est Camus qui écrit, « plus de douleur que je n'en attendais jamais d'un être. Aujourd'hui même, ta pensée en moi est mêlée de souffrance, mais avec tant de détresse. » Ton visage reste pour moi celui du bonheur et de la vie. Ou encore cette autre citation, je suis malade de toi, je ne peux pas guérir de ton absence. Oui, ouais, il ne peut pas guérir de son absence. Il y a aussi cette question de la souffrance quand même, qui est au-delà de la souffrance de l'amour, il y a aussi la question de la douleur, la douleur de la vie, la douleur de la maladie, chez Camus qui est très présente dans son œuvre. Donc je pense que ça aussi relève d'un climat moral général, une difficulté aussi à être parmi les siens, parmi son temps, parmi son époque. Enfin bon, il y a quelque chose, il y a une douleur un peu permanente. Mm-hmm. Et je dirais que l'amour n'y échappe pas. À certains égards, même si il est l'antidote. C'est-à-dire qu'il est ce qui équilibre à la fois notre difficulté à être parmi les autres, mais aussi notre défaillance intérieure. C'est très présent quand même dans cette correspondance. C'est pas exactement exprimé de la même façon chez Maria et chez Albert Camus. L'un et l'autre ne théorisent pas ou n'illustrent pas de la même façon ce sentiment-là. Mais je pense qu'il y a cette notion. Enfin, Camus prend très souvent l'image de la mer, MER. Voilà, c'est-à-dire que notre amour est à l'image de cette mère à laquelle il n'a jamais renoncé. Enfin, on connaissait ce texte de Camus, et d'une certaine façon, cette absolue de la mère compte beaucoup et est l'image peut-être première de sa relation à Maria. Tumulte de la mère, tumulte de l'amour. Exactement. Mmh. Voilà, on en ressent le mouvement que lorsqu'elle s'agite ou voilà. Enfin, donc on est là. Et d'ailleurs, elle n'exclut pas aussi l'image de la terre. C'est à la fois cette mer où on se perd, cet élément fusionnel, voilà, mais elle est aussi ce socle que Maria parle de cristal, enfin de cristal pur, enfin donc on recherche le rocher auquel se tenir. Comment vous l'avez lu, vous, Alban Cerisier, cette correspondance? Est-ce que vous l'avez lu comme une histoire d'amour à épisode? Est-ce que vous l'avez lu comme un poème, en le prenant comme ça, petit bout par petit bout? Comment est-ce que vous l'avez abordé? Alors moi, je l'ai appréhendé comme quelque chose d'extrêmement continu, pour le coup. Les événements sont présents, bien entendu. Hein, les événements sont présents, la vie théâtrale, la vie littéraire, les relations amicales, mais c'est pas la chose la plus importante de cette correspondance. La chose la plus importante de cette correspondance, c'est exprimer le manque, exprimer l'envie, exprimer la sérénité, etc. Et exprimer aussi l'inquiétude, le doute à l'égard de l'autre. Enfin, voilà. Donc c'est cette grande continuité-là. Et en plus, je l'ai vécu en la découvrant peu à peu, parce que le travail éditorial autour de la correspondance s'est fait de telle sorte que je recevais régulièrement, toutes les semaines, je vais pas dire une année, mais un mois, puis un mois après l'autre. Et donc, je voyais que la chose était très cohérente dans son ensemble, même marquée par des événements particuliers. Alors c'est une correspondance où il y a une volonté, semble-t-il, de marquer l'instant vécu. Oui. Et on le sent notamment quand Albert Camus note, c'est très fréquent, l'heure de la journée à laquelle il écrit midi le 14 juillet 1950, par exemple. Alors surtout quand c'est midi. Parce que Camus, c'est l'avancée de midi. Alors, c'est oh, vous croyez qu'il se mettait à sa table la question des heures et de la position de l'ombre. À un instant de la journée, n'est pas une affaire légère pour Camus. Assurément, on retrouve son côté un peu nietzschéen. Voilà. Donc, je blague. C'est sûr que il faut s'écrire précisément, et marquer le moment où on est, l'heure à laquelle on écrit, contribue d'une certaine façon à reconstituer la présence réelle lorsque, hélas, elle est pas permise par l'absence de l'un et de l'autre. La compagnie des auteurs sur France Culture, nous sommes avec Alban Cerisier pour parler de la correspondance entre Albert Camus et Maria Cazares. Alors cette correspondance amoureuse, elle commence en 1944, c'est l'année où ils se rencontrent et elle se termine brutalement, comme on le sait, en 1960, à la mort accidentelle d'Albert Camus. Il est mort le 4 janvier 1960. Est-ce qu'on peut raconter l'histoire, Alban Cerisier, de la rencontre de ceux qui vont devenir de grands amoureux ? Alors, permettez-moi de commencer par la préhistoire, parce qu'en réalité, ça commence en 1943. Au moment où Camus descend de son exil en Haute-Loire pour aller à Paris et assiste à une représentation théâtrale d'Erdre ta douleur de John Milton Sink, qui est le premier rôle de Maria, qui est une très jeune femme. Ah, donc il l'a déjà vu? Oui, il l'a vu jouer. Il l'a vu jouer, effectivement. Et on sait qu'il l'avait repéré, il y a des témoignages. Il le dit, il en parle. Il en parle et ça a été un éclair pour lui, je pense. Enfin, voilà. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, la rencontre a été effectivement possible en mars 44 chez les amis Léris, à l'occasion d'une soirée qui avait été organisée autour d'un texte de Picasso, Les Irrattrapés par la queue, et qui a permis la rencontre effective. Camus était un peu l'homme orchestre de cette représentation privée, d'une certaine façon, de ce texte de Picasso. Il y avait Jean-Paul Sartre qui jouait le personnage de Bourron, Dora Maar qui jouait l'angoisse maigre, ça lui allait bien évidemment. Et donc tout ça dans l'appartement des Léris, Michel et Zette Léris. Et là, la rencontre a effectivement eu lieu à ce moment-là. Et ça a été une manière de coup de foudre, assurément. Et surtout, Camus, qui est à la fois amoureux et homme de théâtre, propose en même temps, se lie à Maria et lui propose effectivement immédiatement de venir jouer un des personnages, Martin en l'occurrence, du malentendu. Mmh. Voilà. Donc elle entre d'emblée dans ses projets théâtraux. Mais je crois qu'ils ne deviennent amants que quelques semaines ou quelques mois plus tard. Exactement. Une date qui est restée célèbre dans l'histoire, c'est le 6 juin 1944. Ben oui, comme quoi les destins historiques se croisent avec les grandes dates de l'histoire collective. Ouais. Et je trouve ça assez beau d'ailleurs, venant de chez Tchekhov. De toute façon, l'un et l'autre sont quand même très... le destin de l'un et de l'autre s'entrecroise à l'histoire collective. La Lune Maria, exilée, on y reviendra peut-être, mais exilée espagnol, un père chef de gouvernement de la fin de la Seconde République espagnole, en exil bien entendu. Enfin voilà, on est l'un et l'autre ont été quand même marqués par l'histoire. Voilà. Et ça, c'est important. Alors je pense que c'est important. Ça paraît pas énormément dans la correspondance. Ça paraît de façon très pudique dans la correspondance, mais ce qui ressemble bien à Camus, pour le coup, qui aime pas tellement mettre en avant à l'égard de ses proches ses engagements. Voilà, mais ce qui l'empêche pas d'être engagé, on le sait, notamment au travers de combats, etc. Mais dans la vie publique, cela dit, la période de combat, elle est antérieure à la reprise de leur relation, voilà, avec Maria. On y reviendra. Mais en tout cas, cet engagement collectif n'apparaît pas énormément. Mais on le voit, Maria, par exemple, soumet un texte de soutien à la cause espagnole. Elle aurait souhaité peut-être être résistante aussi. Oui, peut-être. Mais enfin, je veux dire, c'est vraiment pas omniprésent. C'est fondamentalement pas là le sujet. Alors peut-être, par contre, dans leur relation réelle, directe, hors épistolaire, voilà, ces questions-là se posaient plus vivement. Mmh. C'est tout à fait possible. Enfin, tout de même, c'est quand même l'amour dans la guerre. Oui. C'est d'abord jouer, s'amuser, faire la fête avec Picasso pendant la guerre et le jour du débarquement, faire l'amour. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu absurde, sans jugement, mais qui est un petit peu camusien, dans cette idée que, justement, la vie, c'est ça aussi, et c'est tout cela ensemble et en même temps. Et c'est parce que l'un existe qu'il faut l'autre. Il ne renonce à rien. Voilà, l'homme est une chose historique, assurément, pour Camus, mais n'est pas qu'une chose historique. Oui. Je n'ai jamais renoncé à la mer, je n'ai jamais renoncé à l'amour. Oui. Voilà. Alors, il est déjà un petit peu connu à ce moment-là. Il a écrit L'étranger au moment où ils se rencontrent. Il était journaliste à Combat, Camus. Elle aussi était d'ailleurs une comédienne qui commençait peut-être à avoir quelques succès. C'était le tout début de sa carrière. C'était le tout début de sa carrière. Et se pose évidemment rapidement un problème, c'est que Camus est un homme marié à une femme qui s'appelle, on le sait, Francine, mais qui ne vit pas à Paris au moment de la rencontre, mais bien à Oran. Et dans sa lettre du 21 juin 1944, Albert Camus explique à Maria Cazares qu'il ne quittera pas sa femme, car il y a des engagements qu'on ne peut pas rompre, mais il lui réaffirme néanmoins son amour. Je vous propose d'écouter un extrait de cette lettre. Je ne veux pas que tu me quittes et que tu t'enfonces dans je ne sais quel renoncement illusoire. Je veux que tu restes avec moi, que nous passions encore tout ce temps de notre amour et qu'ensuite nous essayions de le fortifier encore et de le libérer, enfin, mais cette fois dans la loyauté de tous. Je te jure que cela seul est noble, que cela seul est à la hauteur du sentiment irremplaçable que j'ai pour toi. Je ne sais pas bien me plaindre, mais quand je pense à la joie que tu m'as donnée hier, et au malheur où je me trouve depuis une heure. Mais qu'est-ce que cela fait? Moi, j'en suis arrivé à aimer dans ce monde ce qu'il a de mutilé et de déchiré. Je te jure que je ne renonce pas et que ma volonté est ferme. Je voulais seulement te le dire. Tu feras ce que tu voudras. Mais quoi que tu fasses, je ne t'oublierai pas. L'image que j'ai de toi ne peut pas ne pas m'accompagner partout. Et quoi qu'il arrive, j'aurai toujours, si tu pars, le regret de n'avoir pas fait assez pour que cette image ait toujours un corps, puisque je ne sais pas trouver la grandeur en dehors des corps et du présent. Je t'attends à partir de maintenant, et je t'attendrai aussi longtemps que la vie et l'amour auront un sens pour toi et pour moi. Mais si une fois seulement tu m'as aimé jusqu'à l'âme, tu dois avoir compris que l'attente et la solitude ne peuvent être pour moi qu'un désespoir. La compagnie des auteurs et cette lecture par Lambert Wilson d'une lettre donc d'Albert Camus à Maria Cazares. À quoi pensiez-vous en l'écoutant, Alban Cerisier? Cette idée que il y a à la fois chez Camus l'expression d'un devoir d'aimer absolument et une interrogation permanente de notre aptitude à aimer. Voilà. Et il a souvent écrit sur cette question-là, ses textes même littéraires, il évoque cette question, voilà. Mais c'est très présent dans la correspondance, et ça m'évoque aussi un texte très bouleversant qui est la dernière page. Vous savez que Camus a écrit des carnets, a rédigé des carnets tout au long de sa vie. Ils sont publiés d'ailleurs chez Folio. Chez Folio, exactement, oui, assez récemment et dans la Pléiade. Et ces textes sont extraordinaires parce qu'on voit l'écrivain à l'œuvre, le plan de l'œuvre qui est très tôt présent. Et le dernier feuillet de ce carnet, il est question discrètement de Maria sous l'initiale M. Il est question également d'une rupture avec une autre femme. Et la dernière phrase, je vous la cite, c'est une phrase. Je m'accuse parfois d'être incapable d'aimer. Peut-être est-ce vrai, mais j'ai été capable d'élire quelques êtres et de leur garder fidèlement le meilleur de moi, quoi qu'ils fussent. Mmh. Voilà. Et quoi qu'ils fassent, pardon. Quoi qu'ils fassent. Donc, on est bien là dans cette tension permanente, dont la correspondance et le passage que vous avez, fait entendre l'évoque très très clairement. C'est-à-dire qu'il y a la question de la fidélité, la question qu'il est incapable finalement de s'arracher aux êtres qu'il aime et de ne plus leur réserver cette meilleure part de lui-même. Mais alors qu'est-ce qui le met derrière cette idée de l'incapacité d'aimer? Parce que c'est pas tellement l'impression qu'on a quand on lit justement les lettres enflammées qu'il envoie à Maria Cazares. Oui, mais elles sont pleines de doutes, ces lettres. Si je veux dire, il y a une crainte terrible, enfin permanente, du malentendu sur l'amour. Enfin, cette amplitude des lettres, elle est aussi. On retrouve d'ailleurs ce désir d'aller très très au fond de l'idée qu'on développe quand on écoute, par exemple, les grands discours, notamment le deuxième grand discours de Stockholm prononcé au moment du prix Nobel. On voit à quel point Camus revient, mais avec vraiment une insistance folle sur son idée, la retravaille, la reformule. Voilà. Donc tout ça est l'expression d'une crainte de ne pas être compris. Et cet amour incompris là, je veux dire, c'est presque pire que l'amour non vécu, quoi. Ouais. Enfin, un amour, Maria, cela ne se conquiert pas sur le monde, mais sur soi-même. Sur soi-même. Ça, c'est la grande idée, c'est aussi, la très grande qui ressort idée de la correspondance. Voilà. Ce qui veut dire que l'amour intègre l'idée d'imperfection. Mmh. Aussi, il n'y a pas d'absolu de l'amour, alors, pour Camus. C'est-à-dire que c'est une tension, comme d'habitude chez Camus. C'est à la fois, il y a à la fois un absolu d'amour. Nous avons qu'un devoir, c'est d'aimer absolument. Je ne sais plus c'est exactement le terme. C'est très, très présent. Donc, mais en même temps, cet absolu, comme je l'évoquais tout à l'heure, n'exclut pas la lutte, n'exclut pas l'imperfection. Mmh. Dans ces carnets que vous évoquiez à l'instant, Alban Cerisier, Camus notait en 1944, hein, c'est l'année donc où il se rencontre, que ceux qui aiment toutes les femmes sont ceux qui sont en route vers l'abstraction. Et il ajoutait, l'homme qui fuirait toute idée et toute abstraction, le vrai désespéré, est l'homme d'une seule femme. Alors lui, il n'était pas l'homme d'une seule femme, c'était même plutôt un Don Juan. Comment vous comprenez cette phrase-là? En tout cas, je pense qu'il y a, chez l'un comme chez l'autre, et notamment chez Maria, une volonté, je vais dire, acharnée de ne pas être dans l'abstraction de la relation. Chez Maria, c'est une femme qui assume son quotidien, qui se dévoile telle qu'elle est. Enfin, je veux dire, il y a dans ses occupations de tous les jours, etc. Et donc, elle est à la fois dans cette admiration, dans cette inquiétude aussi, mais dans cette admiration par rapport à ce qui leur arrive à tous les deux. Mais en même temps, elle le nourrit de son très quotidien. Mm-hmm. Je veux dire, voilà. Donc ça, c'est quand même important. Après, sur la question de l'abstraction, c'est effectivement, je pense qu'il y a toutes les femmes, c'est aucune femme, hein, en réalité. Voilà. Donc, l'attachement très corporel, très de chair, la co-création que forme le couple. Voilà. Il l'écrit quelque part dans la correspondance où il dit à quel point tu m'as fait naître, hein, mais tu m'as fait naître charnellement à moi-même. Voilà. Donc, cet aspect charnel-là rattache finalement la relation entre ces deux êtres, à quelque chose d'extraordinairement concret, qui tient de la vie toute simple, laquelle équilibre l'abstraction du monde, qui est quand même l'enfer, c'est l'abstraction pour Albert Camus. Il faut dire c'est le totalitarisme. Ouais. Elle était très jeune aussi, 21 ans. D'ailleurs, c'est ce qui lui en a 29, ce qui explique aussi sa réaction, première rencontre en 44, et puis Maria refuse de s'engager avec cet homme qui lui dit finalement Francine revient, je reste avec Francine. Donc il y a une rupture en fait. Il y a une rupture de quelques années et durant laquelle l'un et l'autre c'est terrible de dire mène carrière parce que c'est vraiment le cas de ni l'un ni de l'autre, mais enfin je veux dire l'un écrit la peste et l'autre Maria a notamment une carrière dans le cinéma, c'est l'époque des Dames du Bois de Boulogne, des Enfants du Paradis, La Chartreuse de Parme, enfin des grands succès, hein. Et donc le hasard fait que le enfin est-ce qu'il y a vraiment un hasard, enfin je veux dire c'est quand le 6 juin 48 le 6 juin, quand on habite dans le quartier latin, forcément, on finit par se retrouver. Exactement. Et là, sur le boulevard Saint-Germain, ils s'aiment à nouveau. C'est la date de leur réunion. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui a changé pour elle? Parce que finalement, pour Albert Camus, la situation est difficile toujours. Bon, elle a fait sa vie, elle a commencé à faire sa vie. Plus voilà, elle n'a plus 21 ans, d'une certaine façon. Mm-hmm. Et elle le dit, elle exprime d'ailleurs très clairement dans ses lettres là. Un peu plus tard, elle revient sur ces retrouvailles, je sais pas comment faut l'appeler, et elle le dit. Elle dit voilà, ma réaction de 1944 était celle de était celle de, comment dire les choses correctement, était une décision un peu légère, un peu instinctive, un peu, voilà, c'est pas, je vais pas m'enfermer avec un homme marié et puis qui va avoir bientôt des enfants, ce sera le cas, les jumeaux Camus naissent en 45. Bon, c'est pas possible, elle veut pas s'enfermer là-dedans, c'est une femme de liberté, Maria. Et puis, voilà, les choses changent un peu en 48, c'est son intimité, c'est difficile de l'exprimer à sa place. Bien sûr. Et fait que, elle n'est plus la même femme à certains égards, tout en étant la même, je sais pas. Et elle accepte de cette nouvelle situation. Vous parlez des enfants Camus, c'est peut-être le moment de dire un mot sur le fait que c'est Catherine Camus, ah, oui, la fille d'Albert, qui a décidé finalement la publication de ces lettres-là. Oui, parce que Catherine et son frère Jean avaient ces lettres, les lettres donc de Maria, adressées à Albert dans les archives familiales, hein, depuis longtemps. Et puis, dans les années 80, elle a rencontré Maria. Évidemment, c'est une histoire très personnelle, tout ça. Voilà. Et donc elles se sont bien entendues. C'est Catherine qui le dit. Et puis Catherine a tenu à devenir, et Maria lui a proposé ou l'a accepté, j'en sais rien, devenir propriétaire des lettres de son père à Maria. Et puis elle les a conservées, un peu comme un trésor qu'on n'ose pas trop, autour duquel on tourne. Et puis, il y a quelques mois, elle a appelé Antoine Gallimard, mm-hmm, pour lui dire c'est le moment. Alors, pour revenir à l'histoire de Maria Cazares et Albert Camus, ils ne se quitteront plus d'une certaine façon après ces retrouvailles de 48. C'est un amour qui restera de l'ordre de la passion pendant toutes ces années ou qui va évoluer vers plus de calme. Alors, je pense que ça va... les premières années sont de l'ordre de la passion, parce que quand on lit les lettres et à quel point elles sont dolentes, portées par une sorte de souffrance de la séparation, on peut dire qu'elle c'est un amour encore très très très très très vif et qui a besoin encore une fois de s'exprimer assez violemment parfois, d'ailleurs on peut le dire. Pour autant, il faut pas oublier quand même qu'il y a l'aspect professionnel aussi qui joue. Je veux dire, je l'évoquais tout à l'heure, il y a une dimension littéraire dans leur relation, théâtrale, et Albert Camus lui fait jouer à Maria trois rôles, successivement, et donc de femme, bien entendu, et de femme portant aussi une certaine idée, incarnant une certaine idée de l'amour, et donc leur relation est très liée à leur vie professionnelle aussi. Et donc elle joue notamment la pièce de Camus qui s'appelle Les Justes. Je vous propose d'entendre un petit bout d'entretien qu'elle avait donné à Étienne Laloux au sujet de cette pièce en 1950. Comme la situation des Justes conduit les différents protagonistes à un débat, on a pu parler à propos de l'ouvrage d'Albert Camus de pièces d'idées. Maria Cazares, j'aimerais savoir quel est à ce sujet votre avis de comédienne. Oui, on a beaucoup employé le terme abstraction pour la pièce de Camus. Mais je me demande jusqu'à quel point les idées, maintenant à cette époque, comme à d'autres époques aussi troublées, ne deviennent pas aussi vitales et aussi sensibles que de manger, boire, ou dormir, ou aimer, si vous voulez. Je crois au contraire que les justes, ils arrivent à mettre devant le public des personnages qui sont touchés sensiblement, dans leur sensibilité même et dans leur cœur, par des idées qui sont devenues extrêmement importantes dans la vie. Si bien que Les Justes n'est pas une pièce d'idées. Non, je crois d'ailleurs que c'est une pièce d'amour. Pour moi, et pour beaucoup de mes camarades, je crois, nous avons pris la pièce comme ça, comme une pièce d'amour dans tous les sens, naturellement. Amour entre hommes et femmes, amour d'un couple, l'amour universel, si vous voulez, ou humain. Une pièce d'amour, Les Justes. Évidemment qu'elle dit ça, Maria Cazares. C'est une correspondance au-delà de l'amour justement qu'ils se portent l'un à l'autre et qui se lie à chaque lettre. C'est une correspondance sur le théâtre de l'après-guerre, sur la vie théâtrale parisienne. Oui, c'est sûr, on y croise des personnalités, des nouvelles stars d'une certaine façon de la scène parisienne. Maria entretient d'excellentes relations avec Bouquet, avec Serge Reggiani, un peu plus tard avec George Wilson, etc., avec Villard, elle collabore avec Barrault. Enfin, on est vraiment dans le grand moment de la scène parisienne d'après-guerre. Et c'est sûr que cette question de l'amour est omniprésente. Le malentendu, c'est une grande pièce sur l'amour. L'amour comme compensation à un monde privé ou au contraire embarrassé de Dieu. Voilà, et donc de transcendance. Pas besoin de transcendance quand on aime. Ouais. Et vous, est-ce que vous avez eu très jeune l'occasion de voir Maria Cazares? Hélas, Maria, c'est pas ma génération. Non, mais ça aurait pu à quelques années. À quelques années près, mais... Dans vos 20 ans, vous auriez pu éventuellement la voir sur scène. Maria, c'est l'actrice de mes parents. Voilà, c'est l'actrice de mes parents, donc j'en ai une vision qui est transmise, mais pas une vision directe. Alors depuis, je me suis rattrapé, voilà. Mais alors que Camus, paradoxalement, m'était beaucoup plus présent dans mes tendres jeunesse. Une lettre préférée? Oh, c'est très difficile à dire. Il y en a tant. Enfin, je peux pas choisir. Non, c'est pas possible. Et puis, j'ai pas le livre sous les yeux, donc c'est compliqué. Il faut les lire toutes. Merci beaucoup. Jusqu'à la dernière. Bon, faut pas s'arrêter, ce serait dommage. Voilà. Merci Alban Cerisier d'être venu nous parler aujourd'hui de cette correspondance Camus Cazares. Je rappelle qu'on pourra l'entendre lu par Isabelle Adjani et Lambert Wilson sur les ondes de France Culture en direct le 13 juillet prochain. Ce sera depuis Avignon. Et je signale par ailleurs que vous avez, Alban Cerisier, collaboré à la parution récente de l'ouvrage André Gide, André Malraux, L'amitié à l'œuvre, 1922-1951, sorti en avril dernier chez Gallimard, évidemment. Tout de suite, c'est la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. La chronique en compagnie aujourd'hui de la revue Page des libraires. Nous sommes avec vous, Anne-Sophie Rouvelou. Quelle chance avons-nous? Beaucoup de chance. Merci, bonjour Mathieu. Bonjour. Votre sélection, elle comporte trois livres aujourd'hui. Le premier s'appelle Vinegar Girl. C'est un livre de Anne Tyler qui a été traduit en français pour les éditions Phébus. Tout à fait. En fait, c'est un roman qui est absolument charmant et qui est drôle, hein, qui est une relecture libre, entre guillemets, de La Mégère apprivoisée, hein, de Shakespeare. On fait la connaissance d'un scientifique, le docteur Battista, qui se désespère parce que le visa de son assistant va expirer incessamment sous peu et il a absolument besoin de lui aux États-Unis pour ses recherches. Et il a un plan, donc ce scientifique. Il regarde ses deux filles, il se rend compte que Bunny, l'adolescente, est trop jeune, et il voit Kate, sa fille, qui a une personnalité un peu sèche, un peu rêche, mais qui a un cœur d'or, hein, vraiment sous ses aspects un peu rugueux, j'ai envie de dire. Et c'est la candidate idéale pour lui proposer un mariage blanc avec ce fameux Piotr. Donc, dit comme ça, évidemment, vous pouvez bien deviner que c'est des hurlements début. Sauf que les deux vont se rapprocher et qu'il y a peut-être une histoire d'amour qui va naître. Donc, vous lui trouvez un charme anglais à ce livre, alors qu'il est américain. Tout à fait. Après, c'est ça, c'est qu'on est vraiment aux États-Unis et il y a quand même quelque chose d'une sorte d'atmosphère, un petit peu de comédie romantique britannique, absolument charmant, hein, comme je l'ai dit, sachant que la traduction est absolument exceptionnelle parce que lorsque Piotr parle, on voit bien un petit peu les incohérences, entre guillemets, par rapport à la construction de ses phrases. Et voilà, c'est une super traduction. Deuxième livre de votre sélection, ce sont des mémoires, les mémoires de Jim Tully, qu'on connaît peut-être pas très bien en France. Qui est-il? Et pourtant, oui, quel grand homme. Jim Tully, en fait, c'est un petit peu le maître des écrivains vagabonds, sachant qu'il a aussi travaillé avec Charlie Chaplin, hein, il a été scénariste, donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui avait, et puis pareil, hein, au niveau des livres, il en a écrit de nombreux par rapport à son expérience de hobo, et un hobo, donc on est du coup sur les routes américaines, hein, évidemment. Voilà, tout à fait, sachant qu'un hobo, pour Jim Tully et pour tous les vagabonds qu'il a croisés, c'était une affaire extrêmement sérieuse, c'est-à-dire que c'était quasiment une profession, une philosophie de vie, où voilà, on était sur la route, on allait toujours de l'avant, il y avait un vocabulaire très précis, et il fallait développer des dons pour échapper aux policiers, pour apprendre à se nourrir. Donc voilà, c'est vraiment... Et là, pour le coup, c'est vraiment son autobiographie, parce qu'à 14 ans, pendant 6 ans, il était sur les routes, il était dans l'Arkansas, il est passé par Chicago, il a été jusqu'à New York. Et voilà, c'était la grande aventure de la route. Vagabond de la vie, c'est au livre de poche. Tout à fait. Et vous nous parlez également de La nuit de l'usine d'Eduardo Sacheri. C'est chez Héloïse d'Ormesson. Tout à fait, un roman qui est définitivement social parce qu'il se passe du coup dans la province de Buenos Aires, hein, du coup au début des années 2000, en 2001 exactement. Le point de départ, c'est une escroquerie, c'est-à-dire qu'il y a 8 voisins un peu naïfs qui vont décider de mettre en commun leurs économies pour acheter une usine. Le problème, c'est qu'ils vont mettre leur argent à la banque sur un compte commun, sauf qu'à cette époque-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est que tous les comptes communs vont être gelés. Le banquier, lui, il était parfaitement au courant et il va du coup se servir de l'argent pour en faire profiter Mandy, qui est un commerçant très fortuné, qui va profiter de ça. Sauf que ces amis-là, ils sont certes dupés, mais ils vont quand même se rebeller contre le système et ils vont essayer de dérober l'argent à leur tour. L'auteur, il va vraiment dépeindre ces personnages-là avec une tendresse immense. Hein. On sent vraiment la sympathie qu'il a pour ces personnages. Et ce qui est bien aussi, c'est que en plus de ce côté un peu Don Quichotte qui prête à sourire, on découvre aussi le Corralito. Hein. C'est l'ensemble des mesures économiques qui avaient été prises par le gouvernement argentin à l'époque et qui ont eu un impact sur les citoyens absolument effroyable. Donc un roman de la crise également. Tout à fait. Il faut que je signale votre opération. Oui. Ça s'appelle « Dans les petits papiers de la rentrée ». Opération organisée par votre revue Anne-Sophie Page des Libraires. C'est donc un jeu concours auquel on peut participer sur le site de Page des Libraires, également sur un lien qu'on trouvera sur notre site à nous de la Compagnie des Auteurs. Et c'est un jeu qui permet de gagner des coffrets avec pas moins de 13 livres issus de la rentrée littéraire. C'est un tirage au sort, donc rien de plus simple. Précipitez-vous. Tout à fait, sachant que voilà, ces 13 romans ont vraiment été sélectionnés soigneusement par les libraires, donc voilà. Merci beaucoup, Anne-Sophie Rouvelou. À bientôt. Deuxième partie de cette Compagnie des auteurs consacrée aujourd'hui à la correspondance amoureuse entre Albert Camus et Maria Cazares, parue chez Gallimard, avec à présent une approche philosophique que nous propose Françoise Clels-Drapeau, spécialiste de philosophie grecque et notamment d'Aristote, mais aussi évidemment de la philosophie de Camus. Et en introduction à ce thème, on écoute un extrait de la lettre d'Albert Camus à son amoureuse, envoyée depuis Athènes, où il donnait une conférence, c'était en 1955. Mon cher amour, hier j'ai fait ma troisième et dernière conférence à Athènes. Il ne me reste plus que celle de Salonique, jeudi, et me voilà beaucoup plus libre, près de toi. Ce n'est pas que je n'ai pas pensé à toi tout ce temps, s'il s'en faut. Du reste, si j'avais voulu t'oublier, on m'y aurait fait penser. À ma première conférence, en effet, une étrange dame, qui paraissait très émue, m'a demandé si je te voyais. J'ai cru pouvoir répondre que oui. Elle m'a demandé alors si j'accepterais de te porter quelque chose de léger. Un peu interdit, j'ai dit oui, et puis je lui ai demandé si elle était une de tes amies. Non, tu ne la connaissais pas. Bon, hier je vois surgir cette dame qui m'a donné une rose, avec laquelle je suis monté sur la scène, ne sachant où la poser, et une petite boîte contenant une broche d'argent pour toi. Je lui ai demandé son adresse pour que tu puisses la remercier, mais elle n'a pas voulu. Elle me regardait seulement avec une très visible émotion et répétait « Ah, Maria Cazares, Maria Cazares !» Sur quoi j'ai été happé. Une lettre du 30 avril 1955, lue par Lambert Wilson. Bonjour à vous, Françoise Clels-Drapeau. Bonjour. Alors parlons peut-être pour commencer du rapport de Camus à la Grèce. Hein. Vous êtes spécialiste d'Aristote et on va évidemment dériver vers la correspondance, mais c'est un bon point de départ que d'expliquer ce que Camus aime de la philosophie grecque dans ce qu'elle a de mesuré. Voilà. Moi, je crois que le lien de Camus et de la Grèce, il est très fort, il est très ancien, il est constant, ça va durer jusqu'à la fin. Il y aura deux voyages en Grèce, mais il y a cet intérêt pour l'ensemble de la pensée grecque et en particulier pour l'idée de mesure. Mmh. Moi, il me semble que c'est cette idée qui est à l'origine de ce qu'il va appeler la pensée de midi, qu'on trouve dans L'homme révolté, et dont on voit un petit peu les prémices dans un texte qui est très beau, qui s'appelle L'exil d'Hélène, qui était dédié à Charles, qui est un texte de 1948, et qui va être repris après dans L'été. Et ce texte, si on regarde les dates, ben c'est un petit peu le moment où on a ce dont parlait Alban Cerisier tout à l'heure, on a les retrouvailles avec Maria Cazares, et je crois qu'il y a cette idée de mesure qui apparaît dans leur relation, de mesure et de démesure. C'est ça, hein, le midi, c'est l'heure équilibrée de la journée, en fait. C'est ça que ça signifie, hein, la pensée de midi. Hein. Oui. Qu'est-ce que c'est la mesure, alors, pour Albert Camus ? Alors, la mesure pour Albert Camus, il en parle beaucoup, il détaille ça à la fois de façon très théorique, hein, dans L'homme révolté, dans ce concept de pensée de midi. C'est quelque chose qui a des points communs avec la juste mesure d'Aristote, même si, il faut être honnête, il dit jamais ça, hein, il en parle pas. Quand il parle des philosophes grecs, il parle plutôt des pré-socratiques, d'Héraclite, bon. Donc mais, c'est vous qui voyez ce lien. Moi, c'est moi qui le vois, mais je pense qu'on peut défendre cette conception. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une pensée qui est pas du tout une pensée de la mesure au sens d'une sorte de juste milieu, tiédasse, fadouille. C'est quelque chose qui est véritablement une tension. On parlait tout à l'heure de la tension amoureuse, et là, c'est véritablement la tension des contraires. Cette tension qui met en évidence dans l'homme révolté et qu'on voit apparaître à longueur de temps dans la correspondance avec les contrariétés, les difficultés, la notion de lutte dans l'amour, la violence, la tendresse. Il y a toutes ces tensions qu'on retrouve, qui théorisent dans la pensée de midi, qui donnent à voir dans L'exil d'Hélène, qui est un texte court mais vraiment magnifique, où il dit que nous sommes des héritiers de la Grèce, mais en fait des héritiers qui ne savons pas reconnaître notre dette à l'égard de la Grèce. Oui, il dit justement que depuis 2000 ans, on a calomnié constamment la valeur grecque. Il dit le marxisme sur ce point a pris la succession du christianisme, et depuis 2000 ans, la valeur grecque résiste au point que le XXe siècle, sous ses idéologies, est plus grec et païen que chrétien et russe. Ça, il le dit dans ses carnets. Oui, oui, il le dit et il soutient cette idée. Il oppose une sorte de pensée du Nord, la pensée allemande, hein, si vous voulez, entre autres, et une pensée du Midi, des pays du Midi. Voilà. Moi, ça m'a toujours fait penser à cette idée de pays du club méditerranéen. Hein, vous savez comment on en parlait. Ah oui, ça percute l'actualité. Mais c'est en plein dans l'actualité, la Troïka du Nord qui arrive à Athènes. Les Grecs l'ont ressenti très fort. Oui. Et lui était justement très favorable à la pensée du Sud, alors. Ah oui, très favorable à la pensée du Sud, et je pense que le fait que Maria Cazares soit espagnole a également une importance. Oui. Donc l'équilibre, c'est l'équilibre des extrêmes, c'est ça ? C'est l'équilibre des extrêmes, oui. La double tension, c'est un petit peu comme chez Nietzsche, hein. Camus était un grand lecteur de Nietzsche. Il y a d'un côté l'esprit de mesure, l'esprit d'Apollon, l'instinct apollinien, et puis de l'autre côté, l'instinct de démesure, l'instinct dionysiaque. Et là, il y a cette tension entre les deux. Donc, est-on, Françoise Kelce-Drapeau, dans la démesure ou est-on dans la mesure dans cette correspondance entre Maria Cazares et Albert Camus ? Alors là, c'est évidemment une question très compliquée. La question de la mesure, on se la pose à longueur de temps. D'abord, parce qu'il faut quand même avouer là aussi que c'est très long. 1300 pages, c'est totalement démesuré. Et je crois qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a un moment où on s'ennuie, mais on s'ennuie fermement. On a l'impression que c'est très, très répétitif et qu'on ne supporte pas. Visage crispé d'Alban Cerisier. Voilà. Non, mais je pense qu'Alban va comprendre parce que ça passe. Et ça passe justement quand on comprend le lien avec la mesure. Et là, il y a un aspect de la mesure chez Camus qui est une figure d'une divinité grecque qui est Némésis. Mmh. Alors ça, c'est compliqué. Chez Camus, il y a trois cycles. Hein. Il avait divisé ses œuvres, on le voit très nettement dans les carnets. Premier cycle, c'est évidemment le cycle de l'absurde, c'est Sisyphe. Ensuite, il y a la révolte, parce qu'il ne se contente pas de l'absurde, il va jusqu'à la révolte et c'est Prométhée. Et puis, il y a ce fameux dernier cycle inachevé, qui est celui de la némésis, de la mesure. Or, némésis, c'est une figure très compliquée, beaucoup plus complexe que les deux autres, puisque c'est à la fois la déesse de la mesure et la déesse de l'amour. Mmh. En fait, Némésis, c'était une divinité qui, au départ, était une divinité vengeresse, une Érénie qui voulait détruire tous ceux qui étaient dans la démesure. Et ensuite, elle devient une divinité bienveillante, une Euménide, et elle devient la divinité de l'amour. Et donc ce troisième cycle de l'amour, là aussi, curieusement, il commence à en parler, et le cycle commence dès 1948, et je crois que le fait de mettre en mots ce qu'il vit avec Maria va l'aider à préciser ce cycle, dont on pourrait dire que le premier homme est le roman le plus net, avec justement cette transformation du style de Camus, qui fait que il donne une autre mesure à son œuvre, qu'est la mesure de l'amour. Alors, cette mesure de l'amour, elle se joue dans la répétition, et c'est pour ça que peut-être on peut trouver, en effet, que dans les 1300 pages, il y a des répétitions. Mais c'est peut-être ça que vous trouvez beau, tout simplement, dans cette correspondance, parce que l'amour, c'est précisément la répétition, Françoise Peltz-Drapeau. C'est la répétition, quand c'est pas lassant, ça peut devenir effectivement une forme de mesure. Et là, je crois que Camus s'appuie sur une phrase qu'il appréciait beaucoup, qui était de Saint-Augustin, qui va être reprise par Saint-Bernard, qui est que la vraie mesure de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. Donc le seul moment où on peut être dans une démesure, c'est dans l'amour. La compagnie des auteurs sur France Culture. Nous parlons toujours de la correspondance entre Maria Cazares et Albert Camus. Et vous dites, Françoise Peltz-Drapeau, enfin vous posez la question plutôt de savoir si cette correspondance a eu une incidence sur leurs travaux respectifs, ou à tout le moins si on peut, en lisant ces 1300 pages, découvrir quelle a été l'influence de l'un sur le travail de l'autre. Et inversement, qu'est-ce que vous diriez sur ce sujet-là, finalement, après l'avoir lu ? Oh ben, je pense que Alban Cerisier a cité la bonne phrase tout à l'heure, c'est que Maria Cazares a un rôle de mère. Elle l'aide. Il y a une maïeutique. Elle l'aide à faire sortir son œuvre. Et ça, c'est très très présent, c'est très très concret. Et je pense que j'allais dire l'inverse. Non, mais je veux dire du côté de Camus, c'était la même chose. Ils se sont mutuellement aidés. Ce sont quand même des artistes, vraiment. Et donc là, ça... on a une œuvre en fait. On n'a pas simplement une voilà, moi correspondance. C'est mon idée, c'est qu'on a véritablement une œuvre, et c'est pour cette raison que ça devait être publié, et c'est pour cette raison que finalement, ce n'est pas choquant. Même si au départ, non seulement j'avais trouvé ça long, mais second point, j'avais été choquée aussi, enfin questionnée, en me disant, mais fallait-il non publier ? À quoi ça sert finalement de publier cette correspondance privée ? Moi, j'ai l'impression que, en fait, ils vont tellement en profondeur, c'est tellement intime, que il retrouve quelque chose d'universel. Donc, de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et puis aussi, on a cette impression que c'est comme du plaisir désintéressé chez Kant. C'est-à-dire, pour le dire beaucoup plus simplement, que c'est véritablement une œuvre d'art. De même que, je sais pas, quand vous voyez la Vénus de Botticelli ou le David de Michel-Ange, vous n'avez pas envie de leur sauter dessus. De la même manière, on voit que ce sont véritablement des textes, et des textes extrêmement écrits et qui pourtant sont très vrais. Mmh. Enfin, c'est pas fictif. Et alors, le rôle sur l'écriture, par exemple, de Camus, est-ce qu'on peut en percevoir une idée ? Alors, vous êtes philosophe, vous n'êtes pas spécialiste à proprement parler de littérature, mais est-ce que, en tant que lectrice quand même Camus, vous avez vu des choses ? Oui, je pense qu'en tant que lectrice, on peut voir dans, par exemple, dans Le Premier Homme, l'évolution du style, ou même dans La Chute, il y a une évolution du style de Camus. Et en tout cas, les formules qu'il emploie dans la correspondance, je suis sûre que c'est un exercice d'écriture aussi, au sens le plus noble. En tout cas, il y a du talent, et puis il y a du plaisir à écrire, et ça vraiment des deux côtés. Ah oui. Oui, oui. Ça, et je pense que il y a quelque chose de les savants diraient que c'est performatif, mais le fait de dire cet amour fait que ça va donner encore plus d'existence à cet amour. Et plus ils s'écrivent et plus ils s'aiment, ça c'est absolument évident. Donc c'est le moteur de leur relation aussi. C'est un des l'écriture. Moteurs. Ouais. Ouais. Est-ce que vous pensez que la publication finalement de cette œuvre la rend encore davantage une œuvre littéraire, parce qu'au fond vous dites c'est très bien écrit et en même temps c'est très vrai ce qu'ils se racontent l'un à l'autre, mais le fait de le donner finalement au public change un petit peu l'œil qu'on a sur ces lettres-là. Oui, bien sûr, il y a une tierce personne, c'est le public, et pourtant on n'a jamais une impression de voyeurisme. Ça pourrait être le cas. C'est vrai que si on découpe certains morceaux, on se dit c'est pas possible, on peut pas lire ça, c'est trop intime. Et en même temps, sur la durée, on trouve un rythme, une mesure de lecture qui fait que on entre dans une histoire et dans une œuvre. Donc oui, le fait que ce soit publié apporte très certainement quelque chose à l'œuvre elle-même et apporte quelque chose au lecteur de Camus. C'est aussi performatif alors. C'est performatif, oui. Ça vous a changé, vous, de lire la correspondance? Oui, certainement, parce que moi je suis pas du tout une habituée des correspondances. Hein. Je suis pas quelqu'un qui écrit et je lisais pas vraiment beaucoup des correspondances. Donc là, ça a été une découverte, oui. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors on a parlé de la mesure, de la démesure, et puis l'extrême de la démesure, c'est peut-être la démence, Françoise Kletz-Drapeau. On la ressent un petit peu aussi, cette démence, cette folie de l'amour? On ne fait pas que de la ressentir, je crois qu'ils le disent mutuellement. Il y a de nombreuses lettres, en tout cas au début, où ils disent qu'ils deviennent fous. Pas simplement fou d'amour. Hein. Je pense que chez Camus, en tout cas on le sait bien avec Camus, on le sait peut-être moins avec Maria Cazares, mais chez Camus il y avait quand même une tentation de la folie et de la démesure. Je crois que c'est Grenier qui disait de Camus qu'au départ il était totalement démesuré et qu'il a découvert progressivement la mesure, oui. Ce qui est très grec. Il reste fondamentalement un homme de la démesure, même si il se polit au fur et à mesure des années. Il reste un homme de la mesure grecque, c'est-à-dire sur fond de démesure. Et bon, je pense que Maria Cazares, c'était un petit peu la même chose, mais vraiment, il y a une récurrence des termes liés à la folie. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler avec des psychiatres à Lyon, et c'est vrai que oui, c'est quelque chose qui existe et qui était une tentation. Mais jusqu'à quel point? Parce que la folie comme on imagine, le grain de folie, ou est-ce qu'il y a des moments où c'est vertigineux, cette folie-là? C'est un peu vertigineux, mais je suis pas psychiatre, donc je pourrais pas vous répondre. Bon, alors il y a l'amour et puis il y a aussi l'amitié. Et ça, c'est évidemment très important. Il y a la tendresse. C'est tout ça, finalement, cette correspondance. Ça n'est pas que l'amour, finalement, entre ces deux personnes. Il y a bien d'autres choses qui se jouent. Voilà, oui, c'est un petit peu le paradoxe, et ça apparaît finalement assez tôt, les moments où il finit par lui dire qu'elle est son compagnon. Un ami, il y a cette dimension de l'amitié qui était une dimension extrêmement importante pour Camus et qui apparaît assez tôt, et on a cette impression que c'est la base continue, quoi. Elle reste son ami, sa confidente. Et si on met ça en parallèle avec la correspondance Char-Camus, où on voit alors là une correspondance fougueusement amicale, hein, entre les deux, il y a quand même une différence des sexes. Hein. Ça, faut pas l'oublier, entre Maria et Albert, c'est pas totalement son petit compagnon. Non, ça peut pas. C'est pas son copain de régiment, c'est quand même Maria. Mais il y a ce tout ce que peut apporter l'amitié, en tout cas dans la durée, ce qui explique aussi la durée de leur relation et de leur correspondance. Oui, et c'est aussi en cela que se transforme l'amour, on l'entendait dans la première archive qu'on a diffusée au début de cette émission, ça se transforme en autre chose et peut-être en quelque chose qui se rapproche par moment de l'amitié. Cette amitié-là, elle aide beaucoup, je crois, le lecteur, en ce sens qu'il peut se projeter de diverses manières dans cette correspondance. C'est votre sentiment également ? Ah oui, je pense que ça montre toute la mesure de leur relation. C'est-à-dire que il y a plein de choses qui sont intégrées à l'intérieur. Il y a d'abord une histoire d'amour très tout à fait évidente, une histoire d'amour physique extrêmement forte. Ensuite, il y a cette histoire d'amitié, et puis il y a cette relation entre deux artistes aussi. Donc en fait, tout le monde peut y trouver quelque chose. Quand on passe la page 900, on s'ennuie un peu, on s'y retrouve. Il faut sauter juste la page 900. je vais vous demander cette question impossible, votre lettre préférée ? Non, ben moi... Même chose ? Même chose, même réponse. pas de lettre préférée ? Je ne peux pas vous dire, on aurait tendance à dire la dernière, mais non, non toutes, finalement. En tout cas, on a compris qu'il fallait au moins lire la dernière. Merci beaucoup Françoise Calistrapo pour cette analyse de la mesure et de la démesure dans l'amour partagé par Albert Camus et Maria Cazares. Demain, nous poursuivons notre semaine consacrée aux correspondances amoureuses en évoquant les lettres à Madeleine de Guillaume Apollinaire. Ce sera en compagnie de Laurence Campa. Et tout de suite sur France Culture, on retrouve les lectures de poésie, choisies comme chaque jour par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Nu, debout nu dans la lumière face à nous, et nous regardant, éblouie elle aussi par l'éclat, on dirait de cette lumière, elle paraît attendre, on ne sait pas. Le geste, le mot de nous qu'il faut pour commencer. Tu veux ? Elle demande, répétant devant nous le geste ancien qui est pour appeler. L'ange nu est-il écrit en face de la reproduction sobre, noir et blanc, de la petite fille au ballon, tableau de Kupka en 1908, ouvrant la première partie du poème de Gérard Haller, Le grand unique sentiment. Et puis une citation de Rilke. Heureuse terre, à présent que tu as vacances, joue avec les enfants. Nous voulons t'attraper, joyeuse terre, et gagnera le plus joyeux. 2. C'est un jeu. Voici, une main derrière le dos, invisible, et l'autre nous offrant le secret. C'est pour toi, elle dit, pour aller et venir entre les corps ici séparés de la lumière. C'est la vie, elle dit, ça serait la vie. Tu veux ? C'est pour m'attraper si tu veux. Tu as peur ? Je sais que tu as peur, il ne faut pas. Elle sourit, tout est là. Regarde, il n'y a rien de l'autre côté de la lumière. Personne dans l'ombre, pas de Dieu. C'est là, elle dit, tout l'autre à venir. Ce poème en trois chants, dit Jean-Luc Nancy en parlant de « Le grand unique sentiment », ne fait rien d'autre que commencer. Recommencer, le commencement, celui de la rencontre par quoi tout commence, qu'il s'agisse d'atomes ou de vivants, le sentiment que désigne le titre n'est pas difficile à deviner. Plus loin, 9, elle est prête, répétant devant nous le geste premier qui est pour offrir l'amour. Muse, oui, Ève de nouveau, et Vénus, oui, mais nu, ange nu maintenant, simple, enfant ici tombé du ciel, elle aussi, une comme une autre, infautive et fatale déjà, et mère à venir, là et pas, vierge et divisée déjà, mourante, oui, revenant comme ça nous annoncer la nudité de l'amour. Tu as peur ? Je sais que tu as peur, il ne faut pas. Gérard Haller est le nom clair et mélodieux d'une voix discrète dans la mêlée polyphonique ou dans le tohu-bohu des poèmes. Il a déjà publié il y a quelques années « Sa voix n'a pas changé », dit Jean-Luc Nancy. 3. C'est la terre, elle dit, qui est pour nous tout le divin. Regarde, c'est là seulement que tout vient comme ça se tenir ensemble. Un temps dans la lumière et part. La poésie est ici au plus loin de la tentation gluante dont parlait Bataille. Elle chante doucement et c'est ainsi qu'elle pense. Merci Jacques Bonafé, vous consacrez donc vos lectures cette semaine au poète Gérard Allaire.